Dans de nombreux poèmes des châtiments, comme dans la chanson qui suit, Victor Hugo dénonce les fêtes et festins fastueux donnés par Napoléon III aux Tuileries, à Saint-Cloud ou autres résidences impériales. Chanson. Courtisans, attablés dans la splendide orgie, la bouche par le rire et la soif élargie, vous célébrez César, très bon, très grand, très pur. Vous buvez, apostase à tout ce qu'on révère, le chypre à pleine coupe et la honte à plein verre. Mangez. Moi, je préfère, vérité, ton pain dur. Boursiers qui tont le peuple, usuriers qui le trichent, gais soupeurs de chevet, ventrus, coquins et riches, amis de foule le juif et de maupas le grec, laissez le pauvre en pleurs sous la porte cochère, engraissez-vous, vivez et faites bonne chère. Mangez. Moi, je préfère, probité, ton pain sec. L'opprobre est une lèpre et le crime une dartre, soldats, qui revenez du boulevard Montmartre, le vin, au sang mêlé, jaillit sur vos habits. Chantez. La table emplit l'école militaire, le festin fume, on trinque, on boit, on roule à terre. Mangez. Moi, je préfère, ô gloire, ton pain bi. Ô peuple des faubourgs, je vous ai vu sublime. Aujourd'hui, vous avez, serf grisé par le crime, plus d'argent dans la poche, au cœur, moins de fierté. On va, chaîne au cou, rire et boire à la barrière. Et vive l'empereur, et vive le salaire. Mangez. Moi, je préfère ton père noir, liberté.